بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours aux chers frères, et le sujet de cette deuxième intervention, connaître le manhaj salafi, est d'une importance capitale. Pourquoi est-ce que ce sujet me tient à cœur? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de personnes qui malheureusement n'accordent pas suffisamment d'importance à l'apprentissage de ce manhaj. Au fait de savoir quelle était la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la voie de ses compagnons, ça demande du temps. Ne pense pas qu'en une assise ou deux, tu auras compris réellement ce que ce manhaj, mais ça prend du temps. Ça demande de la fatigue, de la lecture, de l'écoute. Donc c'est important qu'on accorde de l'importance à ce sujet, le fait d'apprendre. Pour certains, parfois, c'est difficile. Oh, aller jusqu'à Bruxelles pour un séminaire, subhanallah, subhanallah. Parfois, même certains qui sont de la ville même, oh non, il faut prendre deux bus pour étudier, pour apprendre notre religion. Et donc, on va voir, oh cher frère, barakallahu fikoum, pourquoi il est important d'apprendre ce manhaj. Comme on a vu précédemment la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala wa sabiqoon al-awwaloon min al-muhajirina wal-ansar, les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar, wal-ladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. ذلك الفوز العظيم. Ceci est la grande réussite. On comprend dans ce verset, ô chers frères, barakallahu fikoum, que ceux qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala et au jour dernier, ils veulent tous le paradis. Mais comme on a vu précédemment que ce paradis est accordé à qui? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'il a préparé le paradis wa a'adda lahum. Il a préparé le paradis pour qui? Pour les compagnons et ceux qui les ont suivis. Et donc il est important, si tu veux le paradis, il est important que tu cherches à comprendre quelle était la voie des compagnons. Et aussi, toute personne qui suit une autre voie que celle des compagnons et que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sous une lourde menace. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » Cela car ils ont fait scission d'Allah et de son messager. Et quiconque fait scission d'Allah et de son messager, alors certes Allah est dur en punition. Et donc il est important, barakallahu fikoum, que tu apprennes quel est ce manhaj salafi si tu ne veux pas faire partie de ceux qui sont châtiés. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin » Comme on a vu précédemment, celui qui fait scission du prophète et qui suit une autre voie que celle des croyants, alors nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Et nous le faisons brûler en enfer. Et donc ça aussi, ça montre l'importance d'apprendre le manhaj salafi si tu ne veux pas être sous cette menace. La menace d'un châtiment douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré l'importance d'apprendre notre religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui dont Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Il lui accorde la compréhension de la religion. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit « فَمَنْ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا لَمْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ » Il dit donc « Celui dont Allah ne lui veut pas du bien, il ne lui accorde pas la compréhension de la religion. » Et donc il est important, barakallahu fikoum, mon cher frère, qu'on cherche à comprendre notre religion. Celui qui suit le manhaj salafi, celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, alors Allah lui suffit. Allah tabaraka wa ta'ala lui suffit. Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Ô prophète, Allah te suffit et il suffit à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ça veut dire quoi, Allah te suffit? L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il nous dit, aïe, wa huwa kafi atba'ak min al-mu'minin. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصرة والنصرة على الأعداء. Et donc il dit As-Sa'di rahimahullah, c'est-à-dire que Allah suffit donc à tous ceux qui ont suivi le prophète parmi les croyants. Ceci est une promesse venant d'Allah pour les croyants. Pour ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur suffire et va leur accorder le secours face à leurs ennemis. Il va leur accorder le secours face à leurs ennemis. Fa idha ataw bi sabab alladhi huwa al-iman wal ittiba' fala budda an yakfiyahum ma ahammahu min umuri ad-din wa ad-dunya. Et donc il dit, si les croyants, ils ont avec eux la cause qui entraîne la suffisance. Quelle est cette cause? Il nous dit, c'est l'iman, la foi, ainsi que le suivi. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si le croyant, il a réuni ces deux causes, alors il obtiendra, il est impératif qu'Allah lui accorde le secours et qu'Allah lui suffise tabaraka wa ta'ala concernant tout ce qui lui importe dans ses sujets mondains et religieux. Parfois on a des problèmes et on ne pense pas que la solution elle est dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la réussite dans ton talab al-ilm. Tu veux la réussite? Alors sache que Allah tabaraka wa ta'ala te suffit si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la réussite dans ta pratique? Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la réussite dans tous les sujets qui te concernent? Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ensuite il continue et il nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. Fin de citation. Il dit la suffisance, le fait que Allah suffise aux croyants, c'est-à-dire le fait que Allah accorde le secours aux croyants et que le croyant n'ait besoin de rien d'autre. La suffisance est absente en fonction de l'absence des conditions. Quelles sont ces conditions? La foi et le suivi. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi correcte et si tu n'as pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras privé de cette suffisance. Les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela permet de mettre fin à la division dans la communauté musulmane. On a cité tout à l'heure la division. On a vu que la division, c'est un gros problème. On veut mettre fin à cette division. Nous voulons être unis. Si nous voulons être unis, nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous n'apprenons pas sa voie, son manhaj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, « Innahu man ya'ish minkum, faseyara akhtilafan kefira. » Celui d'entre vous qui aura une longue vie après moi, après ma mort, il s'adresse à ses compagnons. Alors il verra beaucoup de divergences. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la maladie qui touche la communauté musulmane. Quelle est la maladie qui touche la communauté musulmane? La division. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Alors suivez ma sunna, ainsi que celle des califes bien guidés. Le remède, Après nous avoir cité la maladie, il nous cite l'antidote, le remède. Que devons-nous faire pour résoudre ce problème, cette division ? Nous devons suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, tamassakou biha wa addu alayha bin nawajid. Accrochez-vous fermement à celle-ci et mordez-la à pleines dents. Nous devons mordre la sunna à pleines dents, ne pas la lâcher. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et méfiez-vous, éloignez-vous des inventions. Car certes, toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité la maladie, la division, le remède, la sunna, et la cause qui a entraîné la maladie, l'innovation. L'innovation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent avoir une bonne intention. Ah, on est divisé, etc. Nous voulons être unis. La communauté musulmane est faible, etc., etc., etc. Taïb, pourquoi on ne suit pas la sunna ? Parce que beaucoup ne la connaissent pas. Beaucoup pensent que la salafie a sa manhaj inventé. C'est une mode, c'est un phénomène de mode. Et donc, il est important qu'on comprenne quelle est cette voie. Et malheureusement, parfois, certaines personnes qui ont compris qu'il faut suivre la salafia, ils vont s'arrêter là. J'ai compris qu'il faut suivre la salafia, j'ai compris qu'il ne faut pas faire de bid'a. Alhamdoulilah, ça me suffit, je m'arrête là. Comment ça, tu t'arrêtes là? Mais de quelle salafia tu parles? De quoi tu parles? C'est quoi la salafia? Porter une barbe, mettre un kamis? C'est ça la salafia. Et donc il est important qu'on apprenne quel est ce manhaj. Quelles sont nos obligations envers notre Seigneur? Qu'est-ce qui nous est recommandé? Qu'est-ce qui nous est interdit? Comment nous devons nous comporter? Comment nous devons réagir? Etc. Et dans une narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une narration de ce hadith, il nous dit لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيرُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ. Certes, je vous ai laissé sur la voie claire. Sa nuit est comme sa journée. C'est une voie qui est tellement claire que de nuit ou de jour, elle ne change pas. Elle ne change pas tellement elle est claire. Tu la vois clairement. Les seuls qui vont s'éloigner, qui vont dévier de cette voie, sont ceux qui sont dans la perdition. Et donc, ô cher frère, il est important que tu cherches à comprendre quelle est cette voie, quels sont les principes de ce manhaj, qui sont les savants de ce manhaj, quels sont les écrits, quelles sont les bases, les sources de ce manhaj, comment puis-je faire pour suivre la voie des compagnons? Subhanallah, certains sont concentrés, mercato, qu'est-ce qui se passe, transfert, club, pas club, ou... Au lieu de chercher à comprendre quelle est la voie des pieux prédécesseurs. Et donc, celui qui n'apprend pas sa religion, cher frère, et donc là je parle de beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, j'ai compris le manhaj salafi, j'ai compris qu'il ne faut pas faire de bida, etc. Il faut... respecter tel et tel savant, j'ai compris que Saïd Qutb c'est un innovateur, etc., etc. Ça y est, il pense qu'il a compris le manhaj salafi. Il s'arrête là, il fait ses salates, et encore, sans parler des manquements qu'on va avoir dans la salate, et des manquements qu'on va avoir dans plusieurs principes de notre religion, et il est là. Il va avoir une pratique du manhaj salafi qui est faible. Une connaissance du manhaj salafi qui sera faible. Abu Daoud, il cite dans son Sunan, selon Yazid ibn Amira, qui dit que Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, kana la yajlisu majlisan li dhikri hina yajlisu illa qal Allahu hakamun qist halakal murtabun. Mu'az ibn Jabal, il ne faisait aucune assise de science, aucune assise pour le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans dire « Allah juge avec justice ». Allah juge avec justice. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. L'imam Rabi'a hafidahullah, il nous dit « Ce qui est voulu ici, ceux qui sont dans le doute ». Ce sont ceux qui ont une croyance qui est faible. un manhaj qui est faible. Ils ne connaissent pas réellement ce que c'est que leur croyance. Ouais, je suis la croyance, alhamdoulilah. Je suis le manhaj. Mais tu suis quel manhaj? Tu suis quoi? C'est quoi le manhaj salafi? Je suis. Ils sont dans la perdition parce qu'ils pensent suivre quelque chose. Mais si un jour il y a une fitna, et certes nous sommes tous éprouvés, fitna, une épreuve, tous les jours tu seras éprouvé, chez toi, dans ton domicile, avec ton téléphone, on est tout le temps éprouvé. Ça peut être par les péchés, ça peut être par les ambiguïtés. Et ta faiblesse dans ton manhaj va te causer à ta perte. Ta faiblesse dans ton manhaj va faire que tu vas succomber dans ces épreuves. Que ce soit une tentation, donc un péché, ou une ambiguïté. Voilà pourquoi il continue, Mouaz, après avoir cité cela, et donc ça, à chaque assise, il disait cela, chaque assise. Et ensuite, il dit, « Inna min waraikum fitanan. » Certes, il y a derrière vous des fitnas, des troubles qui vont arriver. Des troubles. Certains nous disent, il nous parle encore de fitan. Oh là là. Il nous parle encore de fitan. Mouad, chaque assise, il rappelait à ses élèves l'importance de se préparer pour les fitan. Chaque assise. Inna min waraikum fitanan. Yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al-Qur'an. Durant ces troubles, il y aura beaucoup d'argent et on ouvrira beaucoup le Coran. Hatta ya'khudahu al-mu'minu wal-munafiqu wal-rajulu wal-mar'a was-saghiru wal-kabiru wal-'abdu wal-hurr. À tel point que le croyant et l'hypocrite, l'homme, la femme, le petit, le grand, l'esclave et le libre, tous ils le prendront. C'est-à-dire que Cheikh Rabi' nous dit, il y aura des maraquis, des écoles coraniques, un peu partout. Partout où les gens vont apprendre le Coran. Ici même à Bruxelles, pays de Koufr, les gens ils apprennent le Coran. Est-ce qu'il y a des fitnas? Oui, il y a des fitnas. Et donc Mouad, il nous mettait en garde contre les fitnas qui vont arriver, les périodes de troubles qui vont arriver. Et il nous montre que clairement que parmi les causes qui font que les personnes vont tomber dans ces troubles, l'ignorance, la faiblesse, le doute quant au suivi des compagnons et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, dira un homme, il dit Mouad, « Ma linnas la yattabi'uni » Un homme dira, mais qu'est-ce que les gens ont à ne pas me suivre? Wa qad qara'tu al-Qur'an, alors que j'ai lu, j'ai récité le Coran, ils ne me suivent pas. Ma hum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghayrahu. Ils ne me suivront pas jusqu'à ce que j'innove pour eux autre que celui-ci, autre que le Coran. Il faut que je vienne avec autre chose, quelque chose de nouveau. Les gens, ils aiment bien tout le temps ce qui est nouveau. À chaque fois, on le remarque bien. À chaque fois, tu lui dis, tiens, voilà, tel et tel cheikh, etc. Ou tel et tel talib, il y a des cours, etc. Il va rester, il va tenir un petit peu. Ensuite, il va entendre parler qu'il y a un nouveau là-bas. Il va aller, hop. Les gens, ils aiment bien ce qui est nouveau. Ah, il faut aller. On enchaîne. On aime bien. Et donc, lui, il vient et te dit, les gens ne me suivront pas jusqu'à ce que je viendrai avec quelque chose d'autre que le Coran. Alors ici, Mouad, il dit, « Fa'iyyakum wa mabtudia, fa'innamabtudia dolela. » Alors méfiez-vous, délaissez tout ce qui est innové. Car certes, ce qui est innové est un égarement. « Wa uhadhirukum zayrat al-hakim. » Et je vous mets en garde contre l'erreur du sage. L'erreur du sage, c'est-à-dire l'erreur du savant. Comment tu fais pour reconnaître l'erreur du savant si tu n'apprends pas c'est quoi ton manhaj? Un savant, il vient, ou un étudiant en science, il vient, il se pose devant toi. Il te cite « Qal Allah »,« Qal Rasulullah », etc., etc. Il se peut qu'il se trompe. Comment tu fais pour savoir qu'il s'est trompé si toi-même, tu n'apprends pas? Et tu prends et tu suis. Tu prends et tu suis. Cheikh Untel a dit. Khalas. Et donc ici, Mouaz, il nous met en garde contre cela. le fait de suivre le savant dans son erreur. Et ensuite il dit « فَإِنَّ الشَّيْطَانُ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ » Car certes, Shaitan, le diable, peut prononcer une parole d'égarement par la langue du savant. Par la langue du savant. Et donc, il faut qu'on fasse attention, les frères. Ça nous montre qu'il est important qu'on apprenne notre ménage. Je vous donne un exemple que je pense sera clair pour tous. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, fait partie des grands imams de la communauté musulmane dans le fiqh. Son école est connue. Son école juridique, elle est connue. Certaines personnes viennent de certains pays où c'est cette école-là qui est propagée. Ces personnes-là ne vont pas chercher à comprendre. On m'a dit ça, je prends ça. C'est comme ça, ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas à apprendre comment faisait le prophète. On lui dit, l'imam Abu Hanifa a dit. L'imam Abu Hanifa a dit, ça s'arrête là. Et donc concernant la salat, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il voit qu'il n'est pas obligatoire de réciter le Fatiha. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Tu récites quelques versets et tu peux réciter autre que le Fatiha. Et donc certaines personnes vont suivre ça. Comme ça. Et ça, il n'y a nul doute que ceci fait partie des erreurs de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et certes, tout le monde, nous avons tous des erreurs. Et donc il est important que le croyant apprenne. Il est important que l'élève apprenne. Tu étudies de ton cher, mais tu vérifies. Tu vérifies. Et comment est-ce que tu vas pouvoir vérifier? C'est en apprenant. Tu ne peux pas si tu n'apprends pas. Et donc, oh cher frère, nous devons, il est impératif qu'on apprenne notre manhaj afin de ne pas tomber dans des erreurs. Hein? Comme on a pu voir certains, ils entendent un cher qui insulte une personne, hein? Qui le traite de fornicateur, et eux, ils vont adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ça. En pensant que c'est ça la vérité qu'il faut suivre. Parce qu'on ne connaît pas réellement c'est quoi le manhaj salafi. Et le fait d'ignorer le manhaj salafi fait que la personne va délaisser la voie de tous les prophètes. Subhanallah. Le fait d'ignorer le manhaj salafi peut faire que la personne va délaisser la voie de tous les prophètes. On l'a vu précédemment. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Il vous a légiféré dans la religion ce qu'il a recommandé à Nuh et ce qu'il t'a révélé. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Et ce qu'on a recommandé à Ibrahim, ou à Moussa et Issa, d'appliquer la religion et de ne pas vous diviser dans celle-ci. Ceux qui ne connaissent pas leur manhaj, cette ignorance qu'ils ont va être une cause qui va les faire tomber dans les fitnas, qui va être une cause qui va les faire tomber dans des groupes, et qu'ensuite, ils vont participer à la division de la communauté, ce qui a été interdit à tous les prophètes. La voie des prophètes, c'est la voie de l'union. Et donc cette ignorance que cette personne a va être la cause qu'elle suit une autre voie que celle des prophètes. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne le manhaj salafi. Quel est ce manhaj? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, et c'est le dernier verset qu'on va citer, inshallah ta'ala, il dit dans son livre, « Wa kur rabbi zidni ilma » et dit, ô Seigneur, augmente-moi en science. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète d'invoquer et de demander l'augmentation d'aucune chose si ce n'est la science. Tellement cette science, elle est importante. Et aujourd'hui, nous, on nous dit séminaire, ah, c'est trop loin. On nous dit moutoun, ah, c'est difficile. L'arabe, oh, j'ai essayé une fois, quelques temps après, il y avait beaucoup de vocabulaire, etc. Il faisait froid, etc. On va toujours trouver une excuse. À chaque fois, il y a des excuses. Une fois, c'est un tel, l'autre fois, c'est le travail, l'autre fois, c'est ma mère, l'autre fois, c'est si. Et jamais on dit, c'est moi. C'est moi. Les frères, il faut qu'on accorde de l'importance à ce sujet. Les salafs, ils voyageaient, comme on l'a vu, ils faisaient de longs voyages pour apprendre leur religion. ils patientaient sur la faim, la chaleur, la pauvreté pour apprendre leur religion. Et par la cause de cette patience, de cette endurance qu'ils ont eue, Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé une grande récompense, le fait que la religion s'est propagée par leur cause. Aujourd'hui, on écrit, on récite des versets, on récite des hadiths, et ils sont récompensés par cela. Et nous, on nous dit, ya akhi, viens une fois dans la semaine, Inch'Allah, on va faire cours d'arabe, une fois dans la semaine. Mais attention, dans la semaine, il faut que tu révises. Les frères, ils viennent une fois dans la semaine, ils reviennent la semaine d'après. Et ya akhi, le vocabulaire, les règles de grammaire qu'on a vues, elles sont passées où? Ah ouais, non, mais tu sais, j'avais des courses à faire, j'avais ci, j'avais ça, j'avais ça. Les frères, il est important, si tu veux comprendre le manhaj salafi, c'est important que tu apprennes l'arabe. Afin que tu puisses lire les livres, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que tu puisses lire les livres des savants qui l'ont précédé, des imams de la communauté musulmane. C'est important. Fath al-Bari ibn Muhajar, l'explication de Sahih al-Bukhari, c'est un livre important. Et c'est important qu'on lise ce genre de livres. C'est important qu'on apprenne notre religion. C'est important qu'on lise les livres de croyance, sur la croyance. Al-Hamawiyya, Al-Wasisiyya et autres livres. C'est très important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne notre religion. On est là, on a à peine appris un livre ou deux, ça y est, alhamdulillah, je connais le manhaj salafi. Comment ça, tu connais quoi? T'as vu tous les livres que les salafis ils ont écrits? T'as lu deux livres, alhamdulillah, tu connais le manhaj salafi? Et donc, il faut qu'on fasse des efforts, les frères. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah, je parle pour les francophones de façon générale, mais aujourd'hui, on va citer nos frères de Furqan de façon spécifique. Pour ceux qui sont ici, il y a un merkez, il y a des cours. Organisez-vous, que ce soit les professeurs ou les enseignants. Organisez-vous pour que la communauté musulmane, elle avance, pour que les salafis, ils avancent. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum. Nous, on est là, c'est alhamdoulilah, nous, on a compris qu'on est salafis. Allez hop, on tend le fauteuil, les bras derrière la tête, ça y est, c'est bon, j'ai fini, je suis arrivé. Tu n'es arrivé nulle part. Et donc on fait les efforts, les frères. S'il y a des cours qui sont donnés, on vient, on participe, on s'organise. Et s'il n'y a pas suffisamment de cours, on va demander aux frères, les responsables, rajouter, on a besoin. Et les frères qui sont dans d'autres villes, réunissez-vous. Entraidez-vous pour avancer. Il n'y a pas besoin d'être nombreux. Parfois, à deux, on se met à deux, on s'entraide. Viens, on révise ci, on révise ça. Et on avance. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne compréhension de la religion. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.